Ce vendredi, à La Vie en BD, des histoires de famille sur la rue Saint-Jean, une rencontre entre swing et bande dessinée, les grilles de Joël Sim et un regard sur le travail de Chloé Crusaudet. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, comme d'habitude, jusqu'à 18h30 pour parler bande dessinée, votre rencontre donc avec le 9e art. Et un 9e art qui, à l'image de l'édition d'il y a deux semaines, prendra un apanage tout à fait dédié à l'événementiel. Il faut dire qu'on est en plein dedans. On s'approche tranquillement du 29e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, la ville, la région est en pleine ébullition d'événements à saveur BD. On portera un regard cette semaine sur deux expositions qui ont lieu dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, notamment les Grilles 3.0 du côté de la Ninkasi-Saint-Jean. Une exposition massive en termes de collaborateurs, en termes d'espace. C'est dirigé par Joël Sim, un projet sur lequel il planche depuis déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. On avait envie d'en parler avec lui. Il sera avec nous en deuxième partie. Également, autre exposition dont on parlera dans quelques instants, ça c'est sur la clôture du cimetière Saint-Matthews. Donc l'équipe qui nous avait livré Histoire de quartier l'an dernier nous revient avec Histoire de famille. Alors, 13 auteurs émergents de la capitale qui s'intéressent à cette thématique en autant de regards distincts. En fin d'émission, on aura Michel Gigard qui sera avec nous pour mettre la table en route vers la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD dédiée à Chloé Crusaudet. Ce sera le mercredi 13 avril prochain. Et également, on aura en cours d'émission une petite discussion avec Lionel Mauvais de l'école Porte au Swing au sujet de la troisième collaboration qu'il a avec le Festival de la bande dessinée francophone de Québec avec La Fièvre des planches. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. Dans l'actualité BD, outre le festival, eh ben, on se lorne vers l'international, notamment avec les Panama Papers. Comme celui de milliers d'autres, le nom de Jacques Glénat est apparu dans la liste des personnalités ou anonymes du monde entier qui ont recouru à des montagnes offshore pour dissimuler leurs actifs. L'affaire des Panama Papers, je le rappelle, est le résultat d'une vaste enquête menée par le journal Le Monde et 108 autres rédactions dans 78 pays qui ont eu accès à 11,5 millions de fichiers d'archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste dans la domiciliation de sociétés offshore. Donc, on parle évidemment ici de paradis fiscaux. Alors, selon le journal Le Monde, le propriétaire des éditions Glénat a acheté Getaway S.A. en 2009, une société domiciliée aux Seychelles, utilisée notamment pour acheter des œuvres d'art. Or, en janvier 2014, une réforme de la législation des îles Vierges britanniques a obligé les sociétés à faire apparaître le nom des actionnaires. Préférant rester dans l'anonymat, M. Glénat a choisi de dissoudre cette organisation. Mais auparavant, Le Monde indique que M. Glénat et sa société ont distribué les œuvres d'art apanées au fil des ans à ses enfants. Alors voilà un dossier à suivre, évidemment, dans sa foulée de ses Panama Papers. Et sinon, des nouvelles d'Angoulême également. Jacques Renard, qui a été désigné comme médiateur à la suite de la demande des éditeurs BD après les scandales qui ont ponctué la 43e édition de l'événement. Alors évidemment, le ministère de la Culture et des Communications de France l'avait promis. Alors Jacques Renard, qui a été directeur adjoint du cabinet du ministre, notamment directeur général également d'établissement public de la Bibliothèque de France. Alors il est auteur d'Un pavé dans la culture, l'urgence d'un nouveau souffle de la politique culturelle. Et dans un communiqué intitulé « Sauvons le Festival d'Angoulême », je le rappelle, les éditeurs avaient réclamé une rencontre. Et donc c'est de cette rencontre qu'est née cette médiation. Alors on verra quel effet tout ça aura sur la 44e édition. Dossier à suivre. En musique, cette semaine, on écoute Yuki Kabushi, tiré de son album Bit Parade. On écoute quelques extraits, dont un premier à l'instant. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs, l'ensemble des émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a trois auteurs BD, membres et participants, organisateurs également du collectif donc Histoire de famille. Par organisateur, j'entends Alex Caroux. Bonjour. Hey, salut. Et par auteur, participant, j'entends Julien Dallaire-Charret. Bonjour. Allô, allô. Tarasque, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre cas, vous revenez littéralement, on vous prend d'une après-midi en extérieur, puisqu'un peu plus tôt aujourd'hui, vous étiez sur la rue Saint-Jean, dans les environs du cimetière Saint-Mathieu, en train de placer justement ces 26 planches de bandes dessinées autour de ce projet d'exposition collective Histoire de famille. Alex Caroux, dans ton cas, c'est le troisième collectif que tu proposes dans le contexte du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Oui, j'en suis vraiment très fier et à chaque année, je me retrouve à chaque année avec toujours plus de richesse et la richesse des planches et la qualité de ceux-ci sont vraiment au rendez-vous. Et c'est une vitrine nécessaire, selon toi, de justement de proposer comme ça à des auteurs émergents d'être exposés dans le contexte du festival? C'est très important parce que moi-même, j'ai été souvent bercé à l'idée de pouvoir présenter mon travail, de joindre mon public, et je voyais que d'autres personnes avaient ce même objectif, et je me suis dit, ça serait le fun qu'on se réunisse tout ensemble, une fois à chaque année, pour présenter chacun de nos projets, et c'est toujours plein de défis, c'est plein de projets, et je suis vraiment content pour les résultats de cette année. Ouais, c'est une belle occasion, de se botter les fesses un peu aussi, oui. Puis collectivement, puis ça fait justement une belle vitrine, puis c'est pour beaucoup d'auteurs, je pense qu'il y en a qui font de la BD depuis longtemps, mais c'est un peu soit en zine ou en cachette un peu, puis là c'est on leur met ça partout dans la ville, dans les vitrines, c'est vraiment une belle exposition, là. Oui, parce que dans le fond, effectivement, il y a une scène, on connaît un peu plus la scène publication régulière, mais les publications indépendantes et le zine, pour beaucoup, ça passe inaperçu. Donc. Ben, je dirais pas, non. On est, comme je viens de le dire, on se bat de les fesses, on essaie de se promouvoir. Il y a une présence des auteurs émergents. Il y a vraiment des gens qu'on retrouve à chaque année. Ils ont une présence soit via une présence numérique ou dans les festivals. Mais mis à part ça, ils peuvent paraître un peu isolés. Puis je voulais que, dans ce contexte-là, c'est un contexte où on peut se permettre de se tutoyer, de se partager nos travaux. Et on parle aussi d'aller à la rencontre, évidemment, du public. Et dans le contexte de l'exposition Histoire de famille, là, cette année, vous n'êtes pas en galerie, vous êtes carrément sur la rue, sur la clôture du cimetière Saint-Mathieu, sur la rue Saint-Jean. Donc c'est un tout autre contexte, j'imagine. Oui, puis ça nous permet d'avoir une présence publique permanente. À ce moment-là, on n'a pas la crainte de se dire... Ah, on aura-tu quelques visites? On a toujours des visites, mais c'est le fun d'avoir cette présence publique. On permet, par accident, d'avoir certains spectateurs qui viennent voir nos planches. Et c'est une première année, c'est une première fois, et j'ai bien hâte de voir la réception des planches. Et comment, justement, on reçoit ça, l'idée d'être carrément sur la voie publique, dans le fond? Ben... Non, c'est difficile à regarder ça, mais c'est sûr que de pouvoir se dire que là, on a du monde comme qui font une promenade ou qui marchent puis qui retrouvent par hasard nos œuvres sur la clôture, qui puissent peut-être s'intéresser sur quelque chose comme par le moment, l'événement, c'est plus... faut les accrocher vite, là, quand oui. même. Sûr, ça représente, ben c'est un peu... On avait ça en tête en le faisant, oui et non. Je veux dire, c'est une façon de montrer son travail. Je pense qu'il faut rester dans ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. Mais c'est aussi, c'est rapide, là, quand même. Là. On se l'était fait dire, d'ailleurs, en préparation du projet, faut penser gros. Un peu, il y avait le contexte de lisibilité aussi, la disposition, tout ça. Puis déjà que c'est deux pages, c'est assez court. Je pense qu'il faut que ça soit un peu... on est un peu entre l'affiche et la bande dessinée. Oui. C'est vrai. Puis je pense que le fait que chaque histoire est composée de deux planches, le passant qui a à peu près le temps, tu sais, il a le temps de s'arrêter un 5 minutes, il a quand même 26 planches devant lui. Il peut se permettre de s'arrêter sur les quelques-uns qui sont devant lui. Il peut s'accrocher sur ceux qui ont des couleurs un peu plus éclatantes. Il y en a d'autres qui vont s'attarder plus sur l'histoire. On a vraiment une grosse panoplie d'histoires qui sont présentées. Puis je crois que n'importe qui va y trouver son compte à la lecture des planches. Oui, parce qu'en fait, sur les 13 auteurs qui sont présents, c'est vraiment très éclaté en termes de style, en termes d'univers. Parlez-nous peut-être un peu justement de vos histoires, de votre côté. Qu'est-ce que vous avez... Mais en fait, peut-être avant de se lancer là-dedans, comment on reçoit un thème comme Histoire de famille? comment on reçoit un thème d'histoire de famille. Mais, tu sais, comme par exemple, moi, je travaille avec mon frère, alors peut-être qu'on se dit, ah, ben là, c'est facile, je suis toujours avec mon frère, je devrais être capable de pouvoir faire un sujet de famille. Mais c'est vrai, tu sais, quand tu as la panoplie, tu n'as vraiment aucune limite dans ce thème. Ben là, tu te retrouves comme t'aimerais tellement essayer de choses, essayer de trucs, alors t'es prisonnier de ce thème-là, alors t'essaies de vouloir te dire qu'est-ce que je peux faire là, faut que je le fasse en deux planches, il faut que je fasse en sorte que ça soit court, mais intéressant, faut que ça accroche, mais il faut que ça ait rapport à la famille, alors tu te poses tellement de questions là-dessus, puis après ça, tu te dis, ben, qu'est-ce que je peux éliminer, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce qui peut être intéressant pour peut-être le passant. Ça permet. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un peu une sorte de filtre dans le fait d'être réduit à deux planches? Est-ce que tu avais l'impression que tu aurais pu t'étendre sur 13, 14, 15 planches? Je te dirais que si je pouvais me suivre à ma première idée, je te dirais qu'il aurait fallu peut-être 3, 4 planches. Mais comme on est restreint, oui. c'est plus intéressant comme ça. Alors, on est permis de vouloir se concentrer sur l'image, sur la présentation, qui selon moi est intéressante. Puis comme... j'adore beaucoup aussi la poésie, alors je me suis dit que peut-être en mettant un côté poétique, ça pourrait peut-être aussi être accrocheur sur l'aspect visuel et l'aspect textuel. Mm-hmm. Alors je me suis dit que pour que ça soit intéressant aussi dans le contexte qu'on est accroché sur la rue Saint-Jean, mais pour que ça soit court, il fallait que je me disais que peut-être un élan assez poétique pouvait être Adapté pour la situation. Puis c'est un peu ce vers quoi tu as été pour ton histoire, d'ailleurs, Tarasque, c'est quelque chose justement d'assez poétique, un petit côté méditatif un peu là-dedans, on pourrait dire. Oui, ben aussi, c'était principalement aussi pour, drôlement, quand que j'ai choisi le sujet de de la bande dessinée, qu'on a fait mon frère et moi pour la bande dessinée, au début, je ne savais vraiment pas où je m'alignais. Puis j'ai eu le dessin de mon oncle en début d'année. Et mon oncle est aussi une personne qui lisait nos bandes dessinées, puis il suivait ce qu'on faisait, puis il aimait la bande dessinée. Alors, je me sentais comme me disant qu'il fallait que j'honore un peu sa mémoire en parlant du deuil. Je trouvais que le sujet était intéressant, puis avec les lectures que je faisais en même temps, je lisais sur une thématique qu'on appelait la cohorte de la nuit, qui parle beaucoup des revenants ou des fantômes qui se promènent durant la nuit et tout ça. J'ai repris un peu le concept pour y aller de manière plus contrastée, de manière plus colorée. Ben, en fait, ça s'est venu tranquillement tout seul quand on l'a réalisé. Julien, d'ailleurs, Charrette, de ton côté, comment on reçoit ce thème-là? Qu'est-ce qu'on choisit de raconter? Moi, histoire de famille, je suis allé un peu... comment dire, au pied de la lettre, chez l'histoire de famille, j'ai jamais fait trop d'autobio, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup normalement. Je dis, je vais essayer de voir ce que je pourrais faire avec ça. Puis finalement, moi, je pense, je voulais une bonne histoire, puis je trouvais dans les bonnes histoires, j'ai tout de suite pensé à mon grand-père du côté de ma mère, qui a tout le temps eu les pires histoires incroyables. Puis là, c'était vraiment la contrainte, c'était laquelle choisir, puis comment rentrer ça en deux pages, ce qui était pratiquement impossible, là, fait que j'ai vraiment mijoté beaucoup là, pour ces deux pages-là. Je suis parti des lignes et des lignes de texte pour essayer de condenser ça. Puis je posais des questions à ma mère sur... Je voulais pas... C'est pas vraiment véridique. Là. C'est plus comme un mélange de deux, trois histoires condensées. Mais au final, je suis super content du résultat. Puis ça, justement, les deux pages, ça permet de pas trop s'éparpiller, je trouve, puis d'aller droit au but, puis de prendre ce qui est intéressant dans tout ça. Là. Puis moi, je voulais aussi y aller plus graphiquement, puis... plus dans l'ambiance, oui. Puis dans le dessin plutôt que dans le dialogue. C'était une affaire aussi de trouver une espèce d'histoire qui s'apprêtait bien à ça. Dans mon cas, moi, ça parle, c'est à l'île d'Orléans, c'est beaucoup du paysage, c'est le rapport un peu avec le fleuve et tout ça. Là. Puis c'était aussi un petit clin d'œil à la ville de Québec, là, en général. Là. Et vous êtes pas mal tous, d'ailleurs, un peu dans les souvenirs, si on peut dire, ou dans un regard sur vos familles, des anecdotes, que ce soit plus poignantes, ou dans ton cas, Alex, vraiment, le genre d'anecdotes qu'on veut pas nécessairement raconter. Non, c'est normalement l'histoire que je me suis investi sur une histoire que j'aurais pu me garder une gêne, mais je me suis dit, écoute, on peut sortir ça sans crainte. C'est je suis allé beaucoup dans la caricature, j'ai un peu romancé mon histoire. C'était mon père qui devait rentrer une dinde dans un barbecue et la dinde ne rentrait pas. Alors il s'est dit, on va commencer par le mettre en deux planches de bois puis se prendre un élan avec le char. là-dessus, ça a l'air tiré par les cheveux. Oh, oui, puis écoutez, il s'est manqué dans son expérimentation, mais dans le cas de mes deux planches, j'ai fait le choix que dans la première planche, les gens iront voir les planches, ils vont constater par eux-mêmes. Mais je me suis beaucoup amusé dans l'exercice du dessin. Dans ma première planche, on a la mise en situation, le problème que mon père rencontre. Puis dans la deuxième, on a des mises en scène, des prises de caméra débiles. Je me suis vraiment éclaté dans la finale. Oui, en fait, comme vous le disiez, il y a une notion où on lit pas la planche sur les pages, où on la lit debout déjà au départ, donc on se rapproche un peu de l'affiche. En même temps, l'idée de dapper un peu le public, et j'imagine de l'autre côté aussi l'idée de profiter de cette occasion-là pour expérimenter, pour continuer à développer, si on peut dire, le style que sur lequel vous travaillez déjà pour vos publications personnelles, en mode fanzine, en mode publication indépendante et le reste. Ouais, ben c'était un beau médium, puis aussi le format, c'est assez gros, je pense. C'est généreux. C'est 16 pouces par 20 pouces, fait que juste ça, c'était un petit pensez-y bien, là. Mettons juste quelle taille j'écris ma typo, tout ça, c'était pour être sûr qu'il y a une bonne lisibilité et tout. Fait que moi, en tout cas, je me suis fait des tests, puis des gabarits, puis je pense que ça va bien marcher. Je peux aller la voir encore. Là, la surprise. C'est toi qui sort très bien. OK, bon. Ouais, ils sortent tout très bien. Tu me rassures. Oh, ouais, regarde, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je te dirais que pour le voir, ça va être intéressant juste de passer à côté, puis de s'avancer juste un pas, puis ça va nous permettre, peut-être pour n'importe qui, ils vont pouvoir les lire assez bien. Ah oui. Puis c'est assez... comme c'est volumineux, ça nous permet quand même de pouvoir apprécier chaque case. Oui, puis on voit bien le détail et tout. Là. Mm. Oui, donc d'aller même à la limite dans la réalisation, on se dit comme ça va être gros, est-ce qu'on a réflexe d'aller peut-être un peu plus dans le détail ou de peaufiner des choses que pour la planche, on n'aurait pas nécessairement été à ce niveau-là ou au contraire d'essayer, comme on vous disait au départ, d'être le plus fidèle possible. Est-ce que vous faites habituellement? Parce que pour vous, ça devient aussi une vitrine. Je veux dire, on peut vous découvrir, oui, pour certains, avec ces planches-là. Puis après ça, ça nous donnait envie d'aller voir Capitaine Copino, d'aller voir les séries de monstres que Draco et Tarascoff, d'aller voir les fanzines qu'Alex Caro a publiées au fil des ans. Donc, comment on a une relation, peut-être en terminant, avec le travail lié à cette planche-là? Ben moi, j'avais peur de tomber dans le piège, justement, de « Ah, c'est plus gros, je vais commencer à plus peaufiner, puis je m'en sortirai pas. » Fait que j'ai vraiment été comme dans une espèce de méthode que je me suis développé un peu tout croche sur des feuilles imprimées avec un stylo. La seule affaire que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai vraiment calculé mon ratio pour dessiner plus gros que l'original, parce que ça, c'est quelque chose que je tiens toujours à faire, là. Je voulais pas qu'il y ait l'agrandissement, mais sinon, je suis allé exactement comme j'aurais fait normalement, là. Ça m'a aidé à pas me casser la tête puis à aller plus songer à mon histoire puis mon découpage plutôt que comment la technique du dessin. Je dirais que le travail de mon frère était habituel. Ça a été de la même manière. Il prend une bonne grande planche, peut-être pas aussi grand que le produit final, mais il prend toujours une grande planche, il dessine. Puis là, ce coup-ci, ça a plus été la couleur. J'ai eu vraiment plus de temps de regarder, de lui dire, je trouve que tu devrais peut-être ce petit détail-là, peut-être l'enlever, peut-être que si, ça. C'est juste parce que, étant donné qu'on devait aussi agrandir un peu l'image, il fallait quand même faire attention que les plus petits détails deviennent des gros défauts. C'est ça. Mais... C'est une difficulté, mais c'est juste, ça a été peut-être plus pris un peu de temps de plus pour pouvoir vérifier quand même si les choses s'enlignaient très bien, mais on n'a pas changé nos méthodes de travail pour autant. Non, ça m'est arrivé aussi de me dire, si la planche, il ressort 5 fois plus gros que ce que j'ai dessiné, si je vois un petit défaut sur ma feuille, il va être 5 fois plus évident. Mais je pense que c'est dans l'exercice et ça permet de voir la liberté. Moi, je me suis permis de travailler sur papier. Je voulais éviter le dessin par numérique. C'est un choix. Mais il y a un petit charme qui l'accompagne aussi, de voir le trait, de voir les petits défauts, à même la texture du papier qu'on peut voir. J'aime beaucoup ce Je veux conserver cet aspect-là dans mon travail. Bon, les défauts de ligne, d'ancrage sont très intéressants, oui. Je te dirais, parce que surtout que mon frère, lui, il dessine toujours sur le papier, alors c'est toujours plus intéressant de voir un petit peu comment il s'élance, puis qu'il garde quand même certains défauts du dessin, parce que oui. c'est le charme de ça. Mais oui. Pour la couleur, comme la couleur est numérique, ben on essaie de faire en sorte que ça devienne un peu plus parfait, un peu plus bien coordonné. Oui. Et on peut découvrir évidemment tout ça en passant simplement sur la rue Saint-Jean. Et on a jusqu'au 29 avril pour prendre le temps de toutes les lire, ces 13 histoires. Et également, je mentionne que si les gens veulent aller échanger avec vous sur ces histoires-là, eh ben un endroit sur lequel auquel ils pourront tous vous retrouver, c'est oui. Le 12 avril prochain à la Ninkasi. Donc en 5 à 7, vernissage. de différentes activités du Faubourg, dont l'exposition Histoire de famille. Alex Carou, donc organisateur de ce collectif. Tarasque, scénariste. Julien Dallaire-Charret, scénariste, dessinateur. Merci à vous trois. Merci à toi. Et merci à toi. Et nous, on repart toujours en musique avec donc Bit Parade. On écoute un deuxième extrait. Déjà quelques années. C'est une belle collaboration entre le Festival de bande dessinée francophone de Québec et l'école et la troupe Porte au Swing. Et ça revient cette année, donc vendredi le 15 avril le prochain. C'est la Fièvre des planches 3, séquence Swing. Et pour en jaser avec nous, on est en compagnie du responsable, du directeur de l'école Porte au Swing, Lionel Mauvais. Bonjour. Bonjour. Alors, Lionel, en fait, dans ton cas, c'est une invitation qui avait été lancée du festival à l'école Porte au Swing de co-organiser cet événement-là il y a déjà 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es toujours présent à ce rendez-vous. Qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui t'amène à avoir envie de relancer cet événement-là année après année? Ben, tout au début, c'était le côté challenge, parce que c'était vraiment un challenge et puis un défi qu'on avait, nous, danseurs, avec interagir avec les dessinateurs. Donc ça, c'était vraiment le premier challenge, et puis c'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans ce projet. Après, c'était après, au fil des années, on a affiné un peu on a développé un peu cette collaboration. Et puis on essaye de l'innover un peu chaque année aussi, avec des nouveaux concepts, comme cette année aussi qu'on va jouer un peu avec on va faire un battle avec les dessinateurs. Ça, c'est complètement innovant et puis ça s'est jamais fait. Donc c'est ce côté-là qui nous attire en tant qu'organisateur et puis en tant que participant à ce festival. Oui, puis une occasion, j'imagine, d'offrir d'autres des contextes différents, en fait, de mettre en danger tes danseurs finalement. Tout à fait. Cette année, on les met complètement en danger. ils vont improviser totalement. On va préparer des petits accessoires, des costumes, tout ça, par rapport à la thématique de la musique et puis des dessins qui vont être proposés. Donc les danseurs vont totalement improviser là-dessus et puis essayer de faire du mieux qu'ils peuvent pour coller au style de musique et puis au dessin aussi. Oui, parce que dans le fond, dans le swing, pour ceux qui connaissent pas, on a tendance à dire, OK, il y a le swing et mettre ça dans un ensemble, mais il y a plein de déclinaisons en fait, rockabilly, west coast, jive, etc., qui ont chacune leur langage, leur rythme, leur univers. Oui, tout à fait, oui. Et puis, c'est vraiment des univers, même si ça revoit à peu près la même famille de styles musicaux et de danse, on va dire, pas forcément de styles musicaux, pardon, c'est que on a des attitudes différentes. On va avoir par exemple le West Coast Swing qui danse sur des musiques plus contemporaines et puis avec un style un peu plus, on va dire, latin. Et puis le jive, qui est un style totalement rockabilly, un peu déjanté, et puis avec des musiques un peu plus hard, on va dire. Et le style lindy hop, qui blues même du blues, qui va être un peu plus fluide, et puis on va rentrer plus dans le groove de la musique aussi des années 20, des années 30, avec tout ce style. Et je trouve ça intéressant, en fait, dans l'idée justement d'amener les gens à improviser, dans le fond, ils vont mettre de l'avant dans ce qui va distinguer un style d'un autre. Et donc, pour quelqu'un qui connaît pas du tout ça, ça va être vraiment une belle porte d'entrée pour comprendre peut-être justement ces différenciations-là. Oui, ben c'est sûr que ça va montrer bien la différence de style qu'on peut retrouver dans le swing. Ça va être flagrant à ce niveau-là. Nos danseurs qu'on amène lors de ce festival, ce sont des danseurs polyvalents qui arrivent à s'adapter à tous les styles. Donc, mais par contre, il va y avoir vraiment une identité particulière et prononcée à chaque style. Et puis là, même le public qui n'est pas du tout averti va voir vraiment la différence. Et justement, en fait, quand on en arrive à être polyvalent, ça veut dire qu'on a commencé, enfin, on commence le swing avec un style, puis ensuite, tranquillement, on explore les autres. Et c'est des danseurs peut-être plus expérimentés qui ont cette polyvalence-là, ou? Ouais, pas forcément. On a des danseurs que ça fait un an qu'ils dansent, mais une fois qu'on rentre dans le swing, il y a des danseurs qui vont lâcher au bout de quelques sessions. Mais par contre, on a des danseurs aussi qui deviennent vraiment passionnés, puis qui veulent essayer tous les styles assez rapidement. Et comme ils dansent beaucoup, ils sortent beaucoup, ils apprennent beaucoup, ils prennent beaucoup de cours, ben ce sont des danseurs qui vont se développer assez rapidement dans divers styles, et puis que au bout d'un an, un an et demi, ben c'est des danseurs qui commencent à être vraiment très bons. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, justement, Lionel Mauvais, qu'on va accrocher comme ça sur le swing, parce que veux pas, comme tu dis, il y a beaucoup de passionnés, et il y a quelque chose qui fait que pour certains, quand on tombe dans cet univers-là, ben on tombe à fond aussi dans le monde, dans la planète du swing. Ouais. Aujourd'hui, on va dire les danseurs qui restent depuis des années dedans, ce sont des danseurs qui ont adhéré tout de suite à ça. Et puis je pense que c'est le style un peu rétro qui plaît. Et puis surtout la mentalité qu'on trouve dans le swing aujourd'hui, qui est une mentalité très sociale, une mentalité qui est très ouverte à un peu tout. Et puis les gens se retrouvent, il y a ce côté communautaire aussi qui rentre dans le swing aussi aujourd'hui, qui est à portée de tout le monde. Je pense que c'est tout cet univers-là, ce mélange de toutes cette association, de que ça soit de la danse un peu plus professionnelle, la danse un peu plus libérée, de la danse pour le plaisir ou la danse pour la compétition, tout le monde va trouver son bonheur dedans. Et puis la musique, il joue pour beaucoup, parce que forcément, quand on écoute des musiques swing des années 30, des années 40, ben on a les jambes qui bougent toutes seules, et puis ça rappelle, par l'intermédiaire de nos parents pour les plus jeunes, ça rappelle un peu ce style qu'on est, ces musiques qu'on écoutait auparavant aussi. Oui, puis en fait, pour en avoir déjà suivi un peu de manière très débutante, on dirait que c'est une danse qui se comprend rapidement. Puis après ça, ben dans le fond, avec la pratique, on peut découvrir toute la complexité qui peut être liée, mais la porte d'entrée est quand même relativement facile pour ceux qui en ont jamais fait, là, d'acquérir les outils minimums pour avoir du plaisir, si on peut dire. Exactement. On peut dire qu'au bout d'une session, on va dire une session qui comprend 12 semaines de cours, c'est-à-dire 12 cours d'1h30, 18 heures de cours, les gens vont réussir à pouvoir danser en social avec n'importe qui. C'est une danse qui est vraiment qui s'acquérit très rapidement. On va apprendre des bases pendant les 6 premières semaines, puis après on commence à développer notre style, puis la technique de la danse. Après, plus on va rentrer au bout de ça se fait en une session. Bon, en 12 semaines, on va pouvoir commencer à danser en social, et puis avec n'importe qui. Après, c'est les gens qui veulent continuer vont vraiment aller chercher plus en profondeur la technique, de connexion, de pas de base, de variation, etc. Là, c'est des danseurs qui vont progresser un peu moins rapidement, mais qui vont rentrer vraiment dans la technique profonde de la danse. Et puis là, après, ça aboutit soit sur des compétitions, soit sur du spectacle, ou même pour se faire plaisir, tout simplement. Oui, c'est ceux-là, justement, qui, à un moment donné, quand on leur lance, ben, est-ce que vous voulez faire une soirée de danse improvisée, un spectacle de danse improvisée avec deux dessinateurs, Bac et JF, et voir qu'est-ce que ça va donner, finalement, ben, c'est eux autres qui répondent présent. C'est ça. et quel défi, en terminant, ça représente? Parce que, évidemment, pour les auditeurs, on connaît bien, je pense, le défi du dessin en direct, donc le dessin sans filet, rapide. Pour la danse, comment on se place, en fait? Parce que là, on a le style auquel il faut agréer, il y a les accessoires qu'il faut intégrer, et en plus, on a un dessin auquel on doit faire écho, parce que c'est le dessin qui va placer l'ambiance au départ. Tout à fait. Le gros défi qu'on aura, nous, cette année, en tant que danseurs, ça sera la coordination avec les dessinateurs, et puis le groupe qui sera présent. La coordination, parce que c'est quelque chose qu'on va vouloir rendre quand même assez dynamique. Il faut pas de temps creux dans tout ça. On va vouloir que ça soit super dynamique, que ça les tableaux s'enchaînent les uns avec les uns derrière les autres. C'est notre plus gros challenge aujourd'hui, parce que nous, on rentre complètement dans l'inconnu là. On est en train de préparer vraiment tout ça avec les danseurs. Comment on va meubler s'il y a des temps de réflexion avec les danseurs, avec le band, le temps qui change de musique, tout ça. C'est vraiment cette partie-là c'est notre grosse incertitude aujourd'hui, mais sur laquelle on travaille pour qu'il n'y ait pas de qu'on trouve pas ces temps morts là, justement. Et on va découvrir justement la résultante de tout ça vendredi prochain. Donc, première partie spectacle à partir de 20h. À partir de 21h, 21h30, là, on tombe dans la danse libre avec le band de T420s. Donc, ça devient aussi, au-delà de la dimension spectacle, une grande fête que le milieu BD et le milieu swing s'offrent au Musée de la Civilisation. Tout à fait, parce que nous, de notre côté, le milieu BD va amener tout son réseau, on va dire, qui avec lequel il est en contact actuellement. Et nous, on fait pareil avec tout le réseau qui se développe en ce moment à grosse échelle à Québec. Donc, on va amener aussi toutes ces danseurs novices et puis plus confirmés. Et puis tout ce mélange avec le public, on va dire, qu'on ne connaît pas nous forcément non plus. Je pense que ça va donner un très beau spectacle. Et puis en plus, on offre une petite initiation à tous ceux qui n'ont jamais dansé, une petite initiation de 30 minutes qui va faire découvrir les premières bases du swing à tous les gens qui veulent essayer ça. Et bien voilà, on lance donc l'invitation. Lionel Mauvais de l'école Porte au Swing, merci beaucoup. Et à vendredi. Merci. Voilà donc Lionel Mauvais qui nous parlait donc de l'événement La Fièvre des Planches 3 qui a lieu, je rappelle, vendredi prochain, vendredi le 15 avril. On repart en musique, toujours ici à La Vie en BD. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, un Facebook qu'on anime activement et évidemment avec la semaine qui s'en vient, celle du festival, et ben vous pourrez aussi repérer différentes activités parce qu'il y en a des masses et des masses. Et on le mentionnait d'entrée de jeu, des expositions qui sont présentées également dans le contexte du festival. Il y en a une sur laquelle on avait envie d'attirer tout particulièrement votre attention, c'est Grilles 3.0, donc les grilles de Joël Sim qui est avec nous en studio. Joël, bonjour. Salut Raymond. Alors, peut-être contextualisons d'abord ce projet-là. De ce que j'en comprends, c'est un projet sur lequel tu travailles depuis plusieurs années. Oui, ça va faire à peu près 15 ans. J'ai pas de données exactes sur le début de ce projet-là parce que ça a commencé comme un projet pour le fun. On faisait des grilles de dessin collectif à mon premier appart à Québec. Puis on les mettait sur le mur à mesure. Puis un jour, on s'est rendu compte, waouh, c'est intéressant. Puis à partir de ce moment, j'ai commencé à emmener des grilles partout, s'il y avait des milieux sociaux, s'il y avait des artistes ou n'importe qui avait envie de dessiner. Et comment les gens recevaient ça? J'imagine, enfin, on a les grilles. On dirait que voir des gens dessiner, ça donne envie d'embarquer, d'essayer, de... Ben oui, il y a cet aspect-là, mais en général, je traînais ça un peu aussi pour attiser le social des moments. Ça remplissait beaucoup de trous. Au début, c'était un petit peu à cause de ça. Je le faisais, c'est ça le pire. Ce que je trouve intéressant avec ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est né de lui-même. J'ai pas décidé de starter ce projet-là. Il a évolué jusqu'à un point ce qu'on dit, ah, c'est un projet qui pourrait être mature. Puis il a évolué tout seul. J'ai pas pris beaucoup d'initiatives par rapport à ça. Le fait que c'est un projet social, ça faisait souvent que le monde trouvait les idées dans les parties. Ah, tu pourrais faire ça avec ce projet-là, tu pourrais faire ci, puis ça pourrait être ça. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, ben ok, 2016, après une quinzaine d'années de trimballer ces grilles-là, que t'avais envie d'en offrir? Je pense que c'est essentiellement une première ou une première grosse sortie. Ben, en fait, ça s'appelle Grilles 3.0 parce que c'est la troisième itération de l'expo. A été exposée lors du lancement du Bob 20, je pense, lors du cinquième anniversaire. Il y avait 40 grilles sur le mur. C'était juste un soir. C'était comme un test, un peu. Voir de quoi ça pouvait avoir l'air, en plus grand, dans un grand espace. Puis, par la suite, ça a été exposé à la librairie Feu Phylactère. Oui. Il y avait 80 grilles sur l'espace d'exposition. Puis là, plusieurs années plus tard, là, c'est le big deal. Il y a 200 grilles, 9600 dessins sur les murs de la Nicasie. Ouais, je pense qu'on a pratiquement un record, là, 9600 dessins dans une expo. En fait, je me le demande, puis j'arrête pas de chercher ces temps-ci des chiffres par rapport à ça. C'est Miski qui garde des records d'expo collective. Est-ce que c'est un record Guinness de nombre de dessins dans une expo? On peut pas dire nombre d'exposants, malgré que c'est probablement le cas, parce que j'ai pas de données, parce que tous les dessins sont anonymes. Souvent, ces grilles-là se promènent dans des bars puis dans des parties. C'est que j'ai aucun contrôle là-dessus. Je sais pas c'est qui est là. Puis de toute façon, l'aspect anonyme, il est important parce que c'est un exercice de liberté d'expression qui est assez extrême des fois. Beaucoup de monde qui voudrait pas signer ce qu'ils ont fait. Puis aussi, c'est dans le point de vue que il y a autant de BDistes professionnels, d'artistes professionnels que d'enfants puis d'amateurs, tout le monde a sa place, c'est que c'est préférablement anonyme. Oui, puis à la limite, même toi, j'imagine que t'es un peu le premier public de ces grilles-là, c'est toi qui les reçois. Quand on en revient d'une soirée comme ça, on a laissé traîner les grilles, comment on reçoit les propositions qui ont été faites? Surpris, déçu? Ben ça, c'est sûr que j'ai envoyé de tous les couleurs. J'ai pas de contrôle sur ce qui se passe, puis à longue, je me suis rendu compte que c'est aussi bien de pas essayer d'en avoir, parce que sinon, oui, des fois, je pourrais être déçu. C'est sûr qu'il y a une irrégularité assez extrême dans le niveau de qualité, les propos, puis tout ce qui est engendré par un public en groupe. On sait que ça peut devenir assez incontrôlable. Donc, enfin, on se laisse surpris dans l'esprit, comme tu disais, d'abord et avant tout d'une liberté, donc de savoir que on peut s'exprimer, on peut faire ce qu'on veut quand on est face à ça. Et j'imagine pour le public qui les voit, ben c'est aussi de découvrir un peu un dialogue qui est impromptu un peu aussi avec ces œuvres anonymes là. C'est vraiment un exercice de social en psychologie, de voir comment le monde réagit un par rapport aux autres, puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce contexte-là. Il va tout avoir un exercice d'iconographie à faire à la fin de ce projet-là pour voir comment le monde réagit dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'ils font, puis quoi, les thèmes qui reviennent, parce qu'on voit déjà des thèmes qui reviennent régulièrement, puis ça va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure que le projet avance. Et sur les 200 grilles, tu parles de thèmes qui reviennent, est-ce que tu as des exemples? Il y a des affaires un peu extrêmes. Dans les thèmes qui reviennent, il y a des affaires que je nommerai pas ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une expo 18 ans et plus, pas pour rien que c'est à l'année quasi. Le festif appelle parfois des... Oui, le festif puis l'alcool, dont les deux sont un peu liés, apporte beaucoup de choses extrêmes. Évidemment, il n'y a pas juste ça. Il y a des œuvres majeures dans ce projet-là. Il y a de l'écriture aussi. Il y a vraiment des trucs intéressants. Beaucoup, beaucoup de trucs très drôles. Moi, c'est ce que j'ai tendance à remarquer dans l'exposition. D'ailleurs, comme tu disais tantôt, moi, en tant que public de cette expo-là, c'est intéressant parce que je monte l'expo, mais je suis public aussi de ça. Puis j'en finis pas d'en remarquer des nouveaux détails. Puis ouais, il y a vraiment beaucoup d'humour des fois, puis à ce niveau-là, c'est vraiment le fun. Et Joël Sim, enfin, on parlait de 200 grilles. Est-ce que c'est toute la production de grilles ou t'as choisi les meilleures? Non, c'est toute la production. Les seuls qui sont pas dans l'expo, je pense qu'il en restait 5-6, puis je voulais faire un chiffron. C'est là où le monde était trop sous, peut-être bien. Genre, qui ont dérapé peut-être un peu puis plus. Puis là, le chaos dépassait un peu. J'essaie de pas avoir trop d'implications, puis pas de faire de censure. C'est vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas de censure. Il n'y en a pas dans le projet. Mais des fois, il y a eu des overboard ou ben des dégâts sur une grille. Puis dans l'ensemble du projet, ça apparaîtrait trop. Genre. Mm-hmm. Comme il y a déjà une personne qui a rempli la grille au complet. Mais là, c'est comme... Non, alors c'est pas ça. Hein. C'est pas ça le concept. Et en même temps, il y a un effet d'accumulation. Donc, on parle de plus que 9000 donc images, 200 grilles. Je veux dire, on a vu quelques photos qui ont circulé sur les médias sociaux. C'est imposant. Et c'est à la limite, il y a un côté impressionnant aussi d'avoir autant de matériel à observer. Je veux dire, on peut passer des heures avant de ça. Ouais, ben on avait calculé que si tu passerais une minute devant chaque carré, t'en as pour un mois au moins. Mais c'est pas un expo que tu peux juste venir checker en 15 minutes, tu sais, comme tu fais des fois avec des expos, là, tu passes 20 minutes, tu checkes c'est quoi, puis tu s'en vas. Tu vas checker juste un petit bout si tu fais ça. Le meilleur moyen d'apprécier cette expo-là, c'est souvent avec une bière, puis tu parles avec des amis, puis t'es à côté, puis l'expo fait partie de l'ambiance. Oui, parce que de toute façon, elle était créée aussi dans une ambiance, donc à la limite, on pourrait dire que chaque grille est porteur un peu de l'esprit de la soirée dans laquelle tu l'as amenée. Tu parlais d'enfants, mais si on a une fête familiale, peut-être plus un esprit bon enfant, si on est en fin de soirée arrosée, ben là, ok, c'est plus lubrique. Évidemment, c'est pas toujours dans des parties de type adulte ou festif. Il y a beaucoup de contextes familial, des contextes de festival de bande dessinée, par exemple. Il y a beaucoup de contextes différents. Et là, dans le fond, de ce que j'en comprends, comme tu disais, c'est un peu la troisième sortie officielle de ces grilles-là. Qu'est-ce que tu espères, justement? Est-ce qu'on espère continuer à accumuler ou orienter autrement le projet après? Quand j'ai commencé à travailler plus sérieusement sur ce projet-là, j'avais comme but de... j'avais un but d'à peu près 1000. Puis je me suis rendu compte en cours de route que à moins que je provoque ces événements-là, c'est difficile de contrôler quand est-ce que je peux emmener une grille, quand est-ce que ça fit que je sorte la grille. Ça fait que je sais pas, moi je vois le projet à très long terme, c'est un projet de vie. Je suis pas pressé, c'est le fun de toute façon, ça me donne pas beaucoup d'implications à long terme. Juste à petit coup par-ci par-là, ça fait que le projet continue, puis j'espère qu'en faisant des expos comme ça, ça va donner envie au monde d'en faire plus quand ils vont voir les grilles sorties, puis tout. Oui, puis de voir en fait, déjà je trouve que le 200 aura déjà un impact fort, j'ose à peine imaginer 5 fois ça éventuellement, où on pourrait vraiment se retrouver dans un lieu en immersion presque. Avec exactement, en fait ce que j'aimerais comme idée, c'est que dans une salle d'expo spécifique pour ça, pas nécessairement un bar, ça serait le plancher, le plafond, tous les murs recouverts à 100%, genre, tu serais projeté par toute l'énergie de ces parties-là, puis ça serait déstabilisant, étourdissant, puis ça l'est déjà un peu, puis on voit qu'est-ce que ça pourrait faire à long terme, genre. Toute l'énergie de toutes ces personnes-là concentrées dans une place, quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu parler, puis que je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant, puis déstabilisant. Oui, puis comme tu dis, dans le fond, le fait peut-être que c'est pas un concept au départ, mais que c'est devenu un concept en cours de route, bien, finalement, ça devient quelque chose de peut-être un peu plus instinctif, peut-être plus organique à la limite. Il y a beaucoup de possibilités, puis comme c'est toujours en évolution, je peux pas vraiment dire à ce niveau-là qu'est-ce que ça peut devenir. Je préfère laisser le temps faire les choses parce que c'est ça la base du projet. Et en fait, évidemment, on peut voir ça jusqu'à la fin du mois d'avril du côté de la Ninkasi du Faubourg. En fait, précisément, c'est jusqu'au 26 qu'on a l'occasion d'aller... Non, c'est jusqu'au 30. Jusqu'au 30, un peu plus loin. Parfait. Alors, jusqu'au 30 avril, donc vraiment tout le mois. Et si on veut en jaser avec toi et être sûr que tu es là, ben c'est en 5 à 7 le 12 avril, vernissage officiel des grilles 3.0. Oui, d'ailleurs, j'aimerais mentionner que je risque d'être là une partie de la soirée. Pour ceux qui veulent venir plus tard, je vais être là jusqu'à 9-10 heures, puis de 5 à 10, je vais avoir des grilles sur place pour ceux qui veulent participer puis racheter leur touche au projet. Alors, ben ça sera donc à surveiller tout ça. Donc, je le rappelle, c'est jusqu'au 30 avril à la Ninkasi Saint-Jean. Joël Sim, j'ai envie de te dire peut-être à la prochaine parce qu'il y a le Bob 32 qui s'en vient après 6 mois d'absence et plus. Ouais. Alors, on pourra peut-être s'en reparler au retour du festival, tiens. Okay. Mais vite fait, ça sort en primeur au festival puis une couple de semaines plus tard en magasin. Alors, on s'en reparle. Et sinon, évidemment, de façon, le Bob aura son stand aussi au festival. Oui, bien sûr. Excellent. Joël Sim, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Et nous, on s'en va en musique, toujours avec un extrait donc de Bit Parade. maintenant, dernière ligne droite de la vie en BD. Dernière édition pré-Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Les activités commencent à compter de lundi 11 du côté du Musée de la Civilisation. Ça se poursuit. C'est un feu roulant littéralement toute la semaine. Et parmi ce feu roulant, ben, il y a les rencontres, les rendez-vous de la bande dessinée. Michel Giguère qui continue de recevoir à chaque édition du festival. C'est un peu une tradition qui reçoit l'un des invités de marque de l'événement pour une belle discussion. Alors, il est avec nous cette semaine pour mettre la table justement en route vers cette discussion. Michel Giguère, bonjour. Salut, hey, on en profite, c'est sûr, avec tout le beau monde qui est en ville. Et cette année, d'ailleurs, en fait, tu as choisi Chloé Cruchaudet. Oui, Chloé Cruchaudet qui a eu ou qui aura en 2016 40 ans. C'est donc pas une petite jeune, mais une femme dont la maturité se fait sentir dans tous ses albums. Et je pense que si on a l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle venue, là, c'est d'après moi d'une part parce qu'elle a publié son premier album en 2008. Donc, à 32 ans, ce qui est pas vraiment tôt dans une carrière. Et ce qui fait par ailleurs qu'elle aura jamais commis ce qu'on appelle de péché de jeunesse. Même sa première œuvre est totalement aboutie. Et puis d'autre part, elle est apparue sur tous les radars en même temps, il n'y a pas si longtemps, en 2013, avec l'apparition de sa pièce maîtresse, Mauvais Genre. Et Mauvais Genre, en fait, je pense que c'est un album, c'est difficile d'être passé à côté, l'accueil a été carrément dithyrambique. Oui, sauf que si on se souvient, je le rappelle, dès son premier album, quelques années plus tôt, en 2008, Groenland, Manhattan. Eh ben, Chloé Cruchaudet se voit remettre le prix René Goscinny, attribué à un auteur qui a tout au plus 3 publications à son actif pour la qualité de son scénario. Et elle rejoignait comme ça les rangs d'une liste, ma foi, assez prestigieuse de récipiendaires qui comprend Riyad Satouf, Hervé Bourris, Émile Bravo, Jean-Philippe Stassen et Nicolas Dumonteuil, pour ne nommer que ceux que j'ai eu la chance de recevoir au rendez-vous de la BD ou au festival. Et puis c'est vrai que plus tard, en 2013-2014, Mauvais Genre est plébiscité tout à la fois, et ça c'est très rare, par les libraires, par les journalistes, le lectorat et la presse spécialisée. Son album récolte le prix Landerneau, le prix de la meilleure BD par la rédaction de la revue Lire, le grand prix de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, et puis enfin le prix du public à Angoulême. Alors moi j'ai bien hâte de demander à Chloé Cruchaudet quelle importance elle accorde elle-même à tous ces prix. Et si on regarde, Michel Giguère, l'œuvre de Cruchaudet, elle a son actif 2 récits complets et un triptyque paru après coup en intégrale. Donc, Mauvais Genre se déroule pendant la Première Guerre mondiale, Groenland, Manhattan en 1897. Son triptyque Ida, c'est en 1887. Alors, si j'imagine que tu fais l'exercice d'essayer de trouver aussi les éléments qui lient l'œuvre de l'artiste que tu reçois. Et dans ce cas-ci, on peut vraiment imaginer que le passé, l'histoire l'inspire, et que c'est probablement pour ça aussi que tu as choisi d'intituler ton rendez-vous de la BD Chloé Cruchaudet, Le passé libéré. Bon, c'est une belle formule, on peut voir un peu d'où ça vient, mais plus précisément, là, qu'est-ce que ça veut dire cette thématique-là pour toi? Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix-là? Ouais, ben c'est sûr que ça s'impose, là, cette espèce de passion pour le passé, d'ailleurs que je partage personnellement. Cruchaudet restitue des histoires d'antan en les conjuguant au présent. Esthétiquement, narrativement, dans le ton, dans la manière, il n'y a aucune trace de passéisme, de poussière. Tu sais, c'est pas de Jacques Martin, mettons-le. Sa série Ida, par exemple, c'est joyeusement subversif, je trouve. Ida est engoncée dans les bonnes manières de sa condition et de son époque, la fin du 19e, mais quand elle part à l'aventure pour explorer l'Afrique, eh ben ses repères tombent, et puis les codes de la bienséance, ben ils prennent le bord, il n'y a plus vraiment d'époque. Et puis, peut-être pour fournir un point de comparaison aux auditeurs, dans la fameuse série Pablo, Julie Birman et Clément Oubrerie, ils font un peu ça aussi. Pour ceux qui l'ont lu, là, c'est pas empoussiéré. Et c'est dans le même Paris des années folles que la série, que dans lequel se déroule la série Pablo, que débute Mauvais Genre. Et je vais y puiser un autre exemple de ce que j'entends par passé libéré. Au début du récit, il y a le béguin réciproque de Paul et Louise qui se transforme en amour, et la sensualité, la sexualité, les disputes, la souffrance, la complicité entre les deux, rien de tout ça est daté. On n'est plus en 1914 dans un récit en noir et blanc, parce qu'on a sous les yeux des amants intemporels, ils incarnent un couple de toutes les époques, et c'est comme si la distance historique était abolie finalement. Et tout ça dans le contexte d'une reconstitution historique réussie en plus. Oui, quand même. Oui, effectivement. C'est pas, on a le doublé, là. Oui, c'est pas paresseux. Et puis c'est pas maniéré puis moderne à tout prix, là. C'est juste pas empoulé ni empesé. C'est pas un passé sous verre. C'est un passé qui est vibrant parce qu'il est le présent pour les personnages. Et il est dépeint comme tel, comme quelque chose qui se passe au présent. C'était, si tu veux, c'est comme si on disait « il était une fois, mais qu'on le conjuguait au présent ». Et puis, en y pensant bien, sais-tu, même son petit dernier, que j'ai accroché in extremis à la librairie, parce que ça vient juste d'arriver, là, c'est une petite BD, grand format, mais avec pas beaucoup de pages, de 25 pages, c'est pour les petits. C'est joliment intitulé « La poudre d'escampette ». Eh bien, ça témoigne aussi de son intérêt pour le passé, parce que les enfants là-dedans, ils présentent aucun signe distinctif qui les identifie à notre époque actuelle. Ils jouent pas aux jeux vidéo. Il y a pas l'espèce d'isolement là, dans un voisinage vieillissant où est-ce que tous tes petits amis sont à l'autre bout du monde. Non. Il y a plein d'enfants. Ils jouent en bande. Qui plus est, ils jouent dehors et puis dans la nature. Moi, j'ai carrément retrouvé mon enfance des années 70. Donc, il y a encore un clin d'œil au passé. Et tout ça dans le contexte d'un rendez-vous de la BD dans lequel tu vas avoir l'occasion de vraiment creuser quelques publications plutôt que de te lancer sur une cinquantaine d'œuvres presque. Ouais, c'est ça. Mes soirées, les gens qui viennent régulièrement le savent, c'est assez dense, là. Mais je t'assure qu'il y a en masse de viande autour de l'os dans l'œuvre de Chloé Cruchaudet. D'abord parce que ses albums sont riches dans le fond autant que dans la forme. Ensuite, parce qu'elle est elle a participé à, je dirais, au moins 5 albums collectifs. Ça va de l'adaptation des chansons du groupe de Louise Attaque jusqu'à un recueil sur les chats, en passant par les fables de La Fontaine. Et puis, entre nous, réaliser des récits courts comme ça pour des recueils collectifs en début de carrière, ben c'est assurément un bon tremplin pour se faire la main et se faire connaître. Mais Cruchaudet, on dirait qu'elle a développé un goût réel pour ce genre de projet-là qui dépasse son côté utilitaire. Quand on y pense, elle a, tu sais, c'est vraiment des défis. Elle a adapté une chanson, adapté une fable, après ça, un essai biographique avec Mauvais Genre. Et dans la revue dessinée, elle a notamment réalisé un commentaire critique d'un film du grand Ettore Scola dont je m'ennuie. Et ces commandes-là, tous ces défis-là avec leur lot de contraintes, ben, ça représente pour elle vraisemblablement quelque chose de très stimulant, presque nécessaire, parce qu'elle le fait encore jusqu'à tout récemment. Il faut ajouter à ça 2 albums collectifs, d'ailleurs, sur des thèmes proches de ses albums personnels, à savoir des histoires vécues. Et justement, il se trouve aussi que Mauvais Genre, comme Groenland, Manhattan, s'est tiré aussi de faits vécus, d'histoires véridiques. Oui. Peut-être pour situer un peu les gens, Mauvais Genre raconte l'histoire de Louise, qui cache son homme, un déserteur de la Première Guerre mondiale, qui bientôt en peut plus d'être encabané dans un petit appart. Alors quand Paul a l'idée de se déguiser en femme pour pouvoir sortir puis circuler librement, eh ben Louise et lui prennent d'abord ça comme un jeu. Sauf qu'au fil du temps, Paul se fond de plus en plus dans la peau de son alter ego féminin, que ses collègues de travail, parce qu'il finit par se trouver un emploi sous cette identité-là, et que tout le monde connaît sous le prénom de Suzanne. Et au fil des mois, le personnage de Suzanne va, pour ainsi dire, s'émanciper, presque indépendamment de la volonté de Paul, comme si Suzanne agissait sous sa propre autorité. Et là, le drame prend une toute autre dimension. Je ne vous en dis pas plus. Dans Groenland Manhattan, Minik est un petit Inuit qu'un explorateur américain emmène avec son père et 3 autres membres de sa famille à New York en 1897. Donc, choc culturel, anthropologique et tout ce que tu voudras. Et ils sont d'abord, les Esquimaux, ils sont d'abord exhibés comme des bêtes de foire, ensuite étudiés par des scientifiques du musée d'histoire naturelle aux théories plutôt douteuses. Et bientôt, les 4 membres de la famille de Minik vont mourir de la tuberculose et le petit va finalement se faire adopter par le responsable du musée. C'est une tragique histoire de déracinement et comme tu le disais tantôt, c'est une histoire véridique. Le personnage d'Ida, lui, est fictif, mais par contre, il est inspiré de femmes exploratrices de la fin du 19e siècle. Il y avait donc un matériau dans le réel, dans l'histoire. Par ailleurs, le tragique contexte historique du Congo qui est présenté là-dedans, le Congo sous la férule de Léopold II, le roi des Belges, Ben, ce contexte-là, lui, est malheureusement très vrai. Et puis, je dirais que s'il y a un parallèle historique à établir entre les trois récits, je trouve qu'il y a un aspect plus subtil, mais encore plus intéressant qui unit ces trois œuvres principales-là de Cruchaudet. C'est, ça va l'air un peu ésotérique, là, mais c'est la dimension sensorielle qui est très présente, qui d'ailleurs contribue, je suis sûr, à libérer le passé, comme le titre de la soirée le dit, là. Cette dimension sensorielle-là, elle est très habilement traduite par la sensibilité de la mise en scène. Il y a des odeurs, la chaleur, le froid, la faim, les rêves, les souvenirs. Cruchaudet, j'ai cette petite formule-là, là. Cruchaudet, je trouve, est une conteuse d'essence. Et on dirige vers la fin, on commence déjà un peu à dépasser notre temps, mais peut-être en 20 secondes, Michel Giguère, là, qu'est-ce qui fait, selon toi, que Mauvais Genre a situé une telle unanimité? Ben, c'est un album d'une cohésion implacable, d'une épure graphique et narrative qui lui donne un côté théâtral, je dirais. C'est aussi d'une admirable justesse de ton dans les dialogues comme dans le dosage dramatique, si je puis dire. Il n'y a rien d'emphatique, il n'y a rien de têteux là-dedans. Tout ça, conjugué à une formidable illustration de couverture, eh ben, ça confère à l'album un pouvoir de séduction que je trouve insaisissable, vraiment difficile à rationaliser. C'est, en définitive, un état de grâce entre une auteure et son sujet. Et tout ça, eh bien, on profite de ce regard mercredi prochain, donc le 13 à 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Avec planche projetée sur écran. Voilà, donc rencontre avec Michel Giguère et Chloé Cruchaudet. Michel, à mercredi. Ce fut un plaisir et ça le sera encore mercredi. Et nous, de notre côté, eh bien, la semaine prochaine, La vie en BD va être en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec au Centre des congrès de Québec. Au menu, trois invités de marque, justement, Chloé Cruchaudet, également Laurent Véron et Romain Renard. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.